La lettre. Прослушайте текст и скажите, откуда Кристиан пишет письмо. Mon cher papa, maman m'a dit de t'écrire parce qu'elle est trop occupée. Elle est allée en ville acheter une robe d'été et des sandales pour Bernard. L'hôtel est vraiment bien. Il est juste au bord de la mer. On mange bien, mais il y a de la soupe de poisson à tous les repas, excepté au petit déjeuner. Bernard et moi, nous avons une petite chambre d'où on peut voir la rue. Maman, elle, a vraiment de la chance. De sa chambre, on peut voir la mer et le port. Il y a des bateaux à voile formidables. Il y en a un qui vient des États-Unis. J'ai parlé en anglais au capitaine et il m'a dit de venir passer samedi sur son bateau. On peut faire du ski nautique avec le bateau de l'hôtel quand la mer est calme. Mais maman trouve que c'est trop cher. C'est dommage. Je vais peut-être pouvoir en faire une fois à la fin du mois, si j'arrive à garder assez d'argent. Nous passons presque tout notre temps à la plage. Nous rentrons à l'hôtel pour le déjeuner. Après, nous faisons une petite sieste jusqu'à 3 heures, puis nous retournons à la plage. L'eau est plutôt froide, mais j'aime bien ça. Bernard a trouvé des amis de son âge. Hier matin, il a plu un peu, mais pas longtemps. Nous sommes restés à l'hôtel et nous avons joué au ping-pong. Aujourd'hui, il fait beau. Nous venons de finir notre petit déjeuner et nous allons partir pour la plage dans 5 minutes. Alors, je finis ma lettre. Je t'embrasse, Christian. PS. Est-ce que tu as déjà demandé à la concierge si elle peut garder Napoléon en août? Avec tous ses chats, elle ne va peut-être pas être très contente d'avoir aussi un chien.